baby. J'ai besoin d'un vent frais, une sorte de breezy baby. Pourrais-tu l'être pour moi? Pourrais-tu le faire pour moi? Tu sais, parfois la vie est un prof sur moi. Mais c'est pas de ta faute et je l'entends. J'ai besoin de savoir si au fond tu me comprends. Si tu seras là, dans les moments les plus difficiles seras-tu là. Sachant que ma vie ressemble à un film, c'est de la pure action en permanence. C'est notre vie privée en bande annonce. C'est le temps qui passe sans que je sois avec toi. C'est mon stylo qui pleure mais qui parle de toi. Si tout ça ne te fait pas peur, si quelque part tu peux y trouver ton bonheur. Si t'es down et tu comptes sur moi, you're my girl right, alors tu marches avec moi. Baby, si je pense à toi lady, c'est que tu m'as donné ton baby love. Come on, walk with me, party des fous, walk with me. Baby, si je reviens vers toi lady, c'est que j'ai besoin de ce gangster love. It's your boy, et personne peut te donner comme moi. Tu le sais girl. Paradis des fous, t'es le seul, t'es mon homme. Get up!